musée. L'île au musée. L'île au musée. L'île au musée. L'île au musée. Écrit et adapté par Cécile Weisbrot. C'est un homme seul, dans l'avenue monumentale qui traverse le parc Tiergarten et mène à la porte de Brandebourg. Là, entre la colonne de la victoire et la porte, ces symboles de guerre ou de paix, dont la signification se déplace à mesure des temps, sur le terre-plein de l'avenue que les cars de touristes remontent en un flux permanent au milieu des voitures rapidement garées, sa forme harmonieuse s'élève d'un socle de marbre. Nous montons la garde. Même si personne ne nous prête attention. Et peut-être est-il plus facile de veiller quand personne ne regarde. Notre destin est étrange. Avant notre venue au monde, nous sommes l'objet de tractations. De décisions. De revirements. Vous vous battez pour avoir le droit de nous donner existence, mais une fois que nous sommes là, notre présence s'impose et la vôtre s'efface. Vous êtes les prétextes et l'espace nous appartient. L'espace nous appartient et nous montons la garde. Nous sommes en pierre. En bronze. Nous sommes en granit ou en marbre. Nous sommes sur les ponts. En haut des édifices ou devant les musées. Nous sommes dans les jardins. En signe avant-coureur. Nous sommes dans des niches. Mais immobiles, le regard fixe. Tourné vers le passé. L'avenir. Regardant l'horizon. La nuit. Nos silhouettes se dressent mystérieusement. Vous marchez dans les rues. Vous attendez vers des rendez-vous. Rentrant d'un pas rapide en hiver. Enlacé en été. Mais hiver ou été, toujours les yeux baissés ou le regard ailleurs. Cherchant celui ou celle qui vous conviendra pour la nuit ou pour la vie. Essayant de transformer le cœur de celui ou de celle qui vous refuse ou vous fuit. Mais hiver ou été, vous nous ignorez. Nous qui veillons sur la ville du haut des socles et sur les toits. Nous qui vous voyons, vous entendons. Nous qui avons vu et entendu tant de choses. Nous sommes là pour des siècles. Vous passez et pourtant vous ne croyez qu'à votre existence. Vous êtes dans le présent. Nous sommes dans la présence. Je suis seul dans la salle de ce musée. Je suis seul partout. Depuis longtemps. Ma vie est une tentative d'approche perpétuelle, mais quand je crois saisir, je n'embrasse que la fuite, l'ombre. Je regarde l'objet, difficile à décrire. Une sculpture, une statue. Une sorte de pierre polie découpée, une forme plate, oblongue, où sont gravés quelques traits qui suffisent à donner l'idée d'un visage. J'ai voulu fuir la torpeur des week-ends prolongés. Et le hasard des réservations de dernière minute a donné à l'ailleurs le nom de Berlin. J'ai quitté Paris pour rompre l'attente d'un coup de téléphone qui ne venait pas. Et je me suis arrêté devant le mystère de ces traits dessinés, à peine esquissés, qui ne permettent de voir aucun visage en particulier, mais l'essence du visage, l'énigme de l'être, de la vie et des gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils peuvent ressentir, l'emprise. Je regarde quelqu'un qui n'éprouve rien. Une statue des Cyclades, un marbre blanc. Celle qui ne m'appelle pas malgré la promesse de le faire n'est-elle qu'une pierre ayant l'apparence de la vie ? Je suis fatiguée de cette course perpétuelle. Je suis venue éprouver ma liberté. Et tout me ramène à lui. Comme si partir pouvait aider à s'éloigner. Passant devant les vases, les objets, les bracelets, ce fatras trouvé dans les tombes, j'ai l'impression de vie exhibée sans pudeur, de corps mutilés, comme dans nos guerres, nos attentats, un immense cimetière profané. J'étais comme dans un rêve. Je voyais des silhouettes blanches, une sorte de foule arrêtée, des gens de toutes sortes, des hommes, des femmes, nus, vêtus, rassemblés pour une cause inconnue, des manifestants silencieux venus d'autres siècles pour nous dire quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. Et les femmes de marbre des Cyclades aussi auraient voulu parler peut-être, mais je ne pouvais que les regarder. Elle m'a dit « Je t'appellerai quand je serai prête ». Mais dans combien de temps? Donne-moi un terme. Quand je serai prête, a-t-elle dit. Et je n'ai plus rien entendu jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai gardé l'espoir, comme un objet précieux qu'on transporte dans le creux de la main. Irak, Darfour, Rwanda, Afghanistan, les noms changent, recouvrent les territoires d'empires anciens, Assyrie, Troie, Babylone, ces lieux mythiques à l'origine de notre monde. Les objets qui s'exposent dans les musées nous paraissent faussement paisibles, fixés dans la pierre, dépolis par le temps, alors que, le plus souvent, ils ne parlent que de guerre. Vous croyez que nous sommes à l'origine de votre conception du monde et vous venez contempler l'aube de votre histoire? Mais vous ne voyez que votre reflet. Chaque époque est seule. Vous êtes de passage sur l'archipel. Et vous allez d'île en île, construisant de 20 ponts. Ce que vous appelez culture n'est que le reflet de votre angoisse. La solution que vous avez trouvée à l'absence d'éternité. Tracer une continuité dans l'histoire et le temps. Croire à l'héritage. Au progrès. Parfois je me dis qu'elle a oublié. J'ai ralenti le pas. Cette femme, là-bas, il me semble l'avoir vue quelque part. Je regardais avec indifférence ses corps mutilés quand le malaise s'est installé. Une sensation d'oppression, d'étouffement. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était la présence des corps qui me menaçait. Parce qu'ils ressemblent à ceux qu'ils peignaient, il n'y a pas si longtemps encore. Je veux plus regarder. Il y a un homme là-bas. Qui marche aussi vite que moi, qui paraît enfermé dans ses pensées. Une jeune femme. Elle a les yeux tournés vers l'entrée de la salle comme si elle m'attendait. Elle hésite. Elle me parle. Ah, vous êtes français? Vous aussi? Elle vient de Paris. Lui aussi habite Paris. Il a décidé de venir à Berlin pour ce week-end prolongé, au dernier moment. Comme moi. Et si nous allions ensemble au musée de Pergame demain? Silhouette haute et statique, sombre comme les traces des arbres qui s'élèvent en hiver. Au milieu de l'agitation, du chaos, il invite au silence de la contemplation et attire le regard par sa simplicité. Nul artifice, nulle décoration ne vient distraire. Tout s'élance pour se concentrer sur l'essentiel, le visage rond des statues romaines. Sagement aligné le long de l'allée centrale, regroupé autour des bassins, dispersé dans le jardin, à découvert sur les terrasses ou discrète dans la végétation. Combien de millions de personnes avons-nous vu passer, soulevant la poussière, aveuglé par le soleil, allant du Louvre à la Concorde, de la Concorde au Louvre, sans nous prêter attention. Mais nous aimons la foule. Le mouvement. Nous préférons l'indifférence et le trop-plein au vide des périodes de malheur. Nous voyons d'un côté la ville et de l'autre le fleuve. Le musée d'Orsay. Et les bateaux qui passent. Les étals de bouquinistes. Les tentes nouvellement apparues qui viennent désormais hanter les bords de la Seine et les rues de Paris. Ils dorment dans la rue. Ils sont dehors, à la merci. Comme nous. Mais nous sommes en pierre, en bronze, en marbre. Quand ils sont d'une matière fragile. Dedans comme dehors. Sans abri. Je voulais voir l'exposition de l'orangerie, mais je ne sais pas si j'irai. J'aime être là, dans la foule, au milieu des touristes de tous les pays, toutes les villes. Cela me donne l'impression de voyager. Miracle, il y a un banc vide. Je suis à la recherche du blanc, et les allées des Tuileries sont blanches de poussière, et les bassins sont blancs, les statues, et au fond, les deux galeries symétriques, l'orangerie, le jeu de paume. Installé sur ce banc, je regarde le jardin. Ses perspectives nettes. Cela me rassure de comprendre où mènent ces lignes droites, de savoir où aller. Si la vie pouvait être ainsi, si les rencontres suivaient un tracé simple, étaient des lieux de promenade ou de repos. Elle m'a laissé un message, des caractères anonymes sur l'écran du portable. Je passe le week-end à Berlin, sans explication. Pourtant, elle sait que je n'aime pas les dimanches, les jours de fête, et elle me laisse seule. Je profite du silence, du téléphone qui ne sonne pas. Et en ouvrant mon téléphone portable, j'ai moins peur d'y trouver l'enveloppe, signe d'un message. Il me poursuivait, m'appelait au travail pour me dire que je lui manquais. Et quand je rentrais à la maison, mon répondeur était saturé de messages. J'avais beau effacer, tout restait imprimé dans ma mémoire et je finissais par rappeler sans savoir quoi dire. Ni que je l'aimais, ni que je ne l'aimais pas. Nous sommes là depuis longtemps. Plus longtemps que vous ne croyez. Mais nous sommes loin, si loin de nos villes d'origine. Vous nous observez. Nous restaurer. Vous nous exposez. Mais ce que nous sommes vraiment. Ce que nous avons vu. D'où nous sommes nés, vous ne le savez pas. Mais vous avez besoin de certitude. Vous venez chercher des preuves de l'existence de l'humanité. Avant, je peignais des séries de corps écartelés, comme au temps des supplices. Des membres dispersés, des corps déformés, tordus. Mais jamais de visage. L'expression des yeux et la souffrance, je ne pouvais pas. Mes corps se vendaient bien. Ils finissaient dans des appartements bourgeois, au milieu de dîners mondains. Je porte son attente et j'entends les paroles qu'il ne cesse de me répéter. À force d'en peindre, je voyais des corps mutilés partout. La femme que je caressais se couvrait de blessures et je sentais mes bras se détacher, ma peau s'ouvrir. J'ai défoncé les toiles qui me restaient, puis je les ai jetées dans une benne qui stationnait sur l'avenue voisine. En face de moi, il y a un homme seul, plutôt bien, une quarantaine d'années. Il n'a pas l'air d'un touriste. Attend-il quelqu'un ? Il cherche peut-être un peu de paix, comme moi. Ou il profite du premier soleil de printemps. L'étendue de vos pensées nous est inconnue. Et les replis du cœur ? Le labyrinthe des sentiments. Nous n'en avons que l'écho à travers vos paroles. Le reflet dans vos yeux. Autrefois, on nous représentait le regard vide. Deux fentes dessinées dans le visage. Sans profondeur, sans expression. Mais à mesure que vous avez voulu faire de nous, non des images, mais des portraits... Vous avez ajouté des éléments qui nous prêtaient une plus grande expressivité. Les yeux surtout. Vous faisiez l'iris et la pupille d'une autre matière. Cela nous donnait une profondeur à laquelle nous n'étions pas habitués. Comme si nous aussi, nous avions des pensées et des sentiments. La lumière baisse doucement. Je vais attendre le soir. À quelle heure ferme le jardin ? Et lui, Va-t-il rester encore un peu ? Les deux bras sont levés et les mains repliées en porte-voix entourent une bouche grande ouverte dont le cercle décrit la courbe d'une parole lancée au loin. Il n'a pas de nom, seulement une fonction. Il est celui qui appelle des roofeurs. Mais le cri, loin de déformer son visage, montre la force du mot, sa portée. Nous avons vu les livres brûler un peu plus loin sur la place. Les flammes montaient, puis nous avons entendu des cris. Du côté de l'université. Vous aviez entassé des livres d'auteurs dont vous ne vouliez plus. Vider les rayonnages de la bibliothèque en face. Vous aviez décidé de tout brûler. Vous vouliez bâtir une civilisation fondée sur la négation de la civilisation. La négation de l'héritage et de l'humanité. En voyant les flammes s'élever, nous n'avons pas eu de compassion pour les livres. Nous avons eu peur de finir dans le feu. Nous allons vouer cette île à l'art et aux musées. Aviez-vous dit pourtant ? Et créer un ensemble à nul autre pareil que le monde nous enverra. Nous allons l'appeler l'île aux musées. Seul l'art le plus noble sera accepté, aviez-vous ajouté. Entre l'inauguration du premier et du dernier musée de l'île, 100 ans se sont écoulés. L'île vécut à peine 5 ans intacte et pleine. Vinrent les années de guerre. La deuxième, que vous appeliez mondiale. Et pour nous, le silence et les évacuations, ou l'emmurement. À la fin de la guerre, l'île était détruite aux 2/3. La reconstruction commença. Mais le Neues Museum demeurait sans toit. À la merci des intempéries. Des arbres poussaient sur les restes de la terrasse. Au-dedans, nous perdions des mains. Des nez. Des bras. Nous finissions par ressembler aux statues de l'Antiquité. Aux Victoires sans tête. Aux Vénus sans bras. Je vous ai fait attendre. Je viens d'arriver. Sur les collines d'Asie mineure, la végétation a envahi les pierres depuis des siècles. Et les morceaux de murs qui restent appartiennent à différentes périodes. C'est Pergame, ville antique, prestigieuse. Vous nous avez dégagés de la terre où nous dormions. Par blocs entiers, vous nous avez transportés, nettoyés, puis identifiés. Tentant de reconstituer le gigantesque puzzle que vous appelez le grand hôtel de Pergame. L'art est dans le détail, dans le soin apporté à chaque scène, dans les traits de chaque visage, chaque chevelure, la beauté de la tension musculaire portée par le volume. C'est cela qui importe, plutôt que cette histoire de guerre racontée dans le guide. Vous êtes artiste ? Non, professeur d'art plastique. Vous me rassurez. Un instant, j'ai eu peur que ce soit un artiste qui vienne chercher l'inspiration et m'explique le monde. J'ai eu peur de retrouver chez cet inconnu ce que je voulais fuir. Nous avons mis du temps à gagner le sourire. Au début, notre attitude était hiératique et rigide. Au début, on enchaînait nos pieds pour s'assurer que la divinité cachée en nous ne déserterait pas le temple. Voit ainsi la ville au malheur. Parfois, pour être plus sûr, on nous représentait sans pieds. L'histoire de l'art, celle des époques anciennes, ne se fait qu'à partir des pièces qui restent. Celles qui ont traversé le temps. Des copies, pour la plupart. De Praxitèle, il ne reste aucun original. De Phidias, nous ne connaissons que 10% de l'œuvre. Comment le sait-on ? Par des allusions dans des écrits, des descriptions. Mais je vous ennuie. Vous m'ennuyez pas. Vous vous intéressez à l'art? Pas beaucoup. Pourtant, vous venez au musée. C'est un peu absurde. J'ai suivi les prescriptions du guide. Si vous êtes 3 jours à Berlin... Mais cet après-midi, j'irai me promener. Les changements de régime ne nous affectent pas. Nous en avons tant vu. Nous sommes nés des dictatures et des empires autoritaires. Des monarchies absolues. De la volonté d'un homme de glorifier sa ville. Sa victoire. De propager le culte de ses dieux ou son propre culte. Nous sommes l'image du pouvoir. Nous habitons chez les vainqueurs. La contemplation des œuvres nous aide à sortir de nous-mêmes. Du cadre étroit de notre vie. Je ne sais pas. Et les sculptures surtout. L'accomplissement de la forme et de la matière. Le seul art qui rivalise avec la vie. Vous ne m'avez pas dit dans quel domaine vous travaillez? Je suis dans une association qui s'occupe de personnes en difficulté, ceux qui dorment dans la rue. Un refuge? Non, un lieu d'écoute. Et ils parlent? Pas toujours. Nous pourrions dire ce que nous pensons de ce mot. Progrès. Mais nous nous taisons. Faisant semblant d'être ce que vous croyez. Immobile. Insensible et muette. Des statues. Bien sûr, dans la ville, personne n'entend le roofeur et peu s'arrête devant lui. Les visites se font ailleurs. Le char et l'imposant monument à la gloire de l'armée rouge, la porte de Brandebourg. Et puis comment fixer un son dans le bronze? Comment représenter l'immatériel? Quelques jours avant la déclaration de la guerre, la deuxième que vous appelez mondiale, les musées de Paris fermaient. 4 mois durant, des camions entrèrent dans les cours. Roulèrent en soulevant la poussière. Stationnèrent devant le musée, attendant leur chargement. Des tableaux emballés, des statues dans des caisses. Pour partir vers le château de Chambord. Il y avait là vos trésors. La Joconde. La Vénus de Milo. La victoire de Samothrace. Et bien d'autres tableaux. Des pièces antiques anonymes, fuyant vers les bords de Loire. Vous avez l'heure? J'ai oublié ma montre. 6h30. Je peux m'asseoir à côté de vous? Pourquoi pas? Je voulais voir l'exposition de l'orangerie, mais je me suis laissé surprendre par le temps. Que vouliez-vous voir? Ils ont recréé une exposition de 1934 sur la peinture française du XVIIe siècle. Les fourgons glissaient dans la nuit. À l'image d'autres fourgons qui se remplissaient de résistants, de prisonniers. Déversant leurs charges dans des sous-sols et dans des caves. Œuvres soigneusement entreposées pour servir de monnaie d'échange. Hommes détruits, torturés pour avouer des noms. Nous entendions les cris. Les coups. Et tout venait se fondre dans la rumeur urbaine. Dans le fracas des transports et le roulement des voitures. Que faites-vous? Je suis comptable. Je contemple des colonnes de chiffres. Et vous? Je suis peintre. Vous êtes peintre? C'est pour cela que vous vouliez voir l'exposition pour votre travail. Pour voyager dans le temps. Je pourrais vous accompagner? Après la défaite... Les œuvres s'éloignèrent dans des châteaux moins connus de la zone libre. Tandis qu'au jeu de paume étaient rassemblées les œuvres d'un art dit dégénéré. L'art moderne, stigmatisé par le nazisme. Dont la doctrine était devenue la culture officielle. Miro, Picasso. Paul Klee, André Masson. Max Ernst. Les impressionnistes. Et Courbet. Cézanne. Braque. Des œuvres de plus en plus nombreuses venaient dans les salles du jeu de paume, devenues prison de l'art. Plaque tournante de sombres échanges. Elle me suit. Regarde les tableaux du classicisme français, les portraits des grands personnages de l'État, s'attarde un peu, et moi, je ne sais pas ce que je cherche. L'exposition de 1934 voulait prouver qu'il existe en France un art de la représentation aux antipodes de l'art abstrait venu de l'étranger. Par moments, j'oublie que je suis avec quelqu'un. Cela ferait plaisir à celle qui m'a laissé affronter seule ce week-end. Vous vous ennuyez ? Un peu. Les visages ne m'intéressent pas beaucoup. Vous préférez l'art abstrait ? Je ne sais pas. C'est vrai, vous n'allez jamais aux expositions. Rarement. Et ce n'est pas celle-là qui vous fera changer d'avis. Vous accepteriez de voir les nymphéas avant de partir ? Nous remontons à la surface. Nous revenons parmi les vivants. Quittant les regards fixes, nous retrouvons le mouvement, la lumière. Dans la grande avenue tournant le dos à l'ouest et faisant face à l'est, dans cette ville où les points cardinaux ont valeur d'histoire, il lance son appel muet, informulé, mais qui, par l'absence de mots, signifie tout appel. Il y a des îles lointaines au milieu de la mer. Et il faut des heures de bateau pour les atteindre. Nous savons que certains n'y arrivent jamais. Qu'il y a des naufrages. Nous savons que des îles disparaissent, submergées par les eaux. Que le glas sonne pour prévenir. Nous savons que les cartes gardent la mémoire des tracés anciens. Et que les villes s'enfoncent et que leur nom devient une légende. Les îles ont des volcans. Dont les soubresauts se répandent jusqu'au rivage. Les îles ont des plages bordées d'eau calme. Ou de hauts bâtiments risqués à l'équilibre fragile. Et notre île fut gagnée sur les marais comme toute la ville. Les fosses d'écoulement furent asséchées. Le terrain aplani. Les ponts construits. Les musées sont des lieux clos, retirés du monde. Des sortes de cloîtres dans lesquels vous enfermez l'histoire du temps. Nous sommes des îles aussi. Que vous a-t-elle dit ? A-t-elle donné un délai ? Seulement qu'elle me dirait quand elle saurait. Vous n'y croyez pas ? Je ne la connais pas, je ne connais pas votre histoire. Il n'y a pas d'histoire, malheureusement. De brefs moments de rencontre suivis de longues plages de silence. Depuis un mois, je n'ai pas de nouvelles et je n'en donne pas. Je suis parti pour ne pas être tenté de l'appeler pendant ces 3 jours de congé. Vous n'imaginez pas... Peut-être que si, tout le monde a attendu un jour. Elle a beaucoup de chance. Vous devriez lui dire. Vous pourriez profiter de la ville. Marcher, regarder. Profiter. Ici, tout porte à la mémoire. Il n'y a que des plaques, des monuments dressés. Il y a des murs sans tableaux accrochés, des cafés, de la musique techno. Et vous ? Nous nous sommes rencontrés dans un musée. Que fuyez-vous ? À quoi voulez-vous échapper ? Si vous vouliez me raconter... Il n'y a rien à raconter. Je suis avec quelqu'un que je devrais quitter et je n'y arrive pas. L'art contemporain devient de l'art moderne. Puis de l'art ancien. Les gens deviennent des noms de rue. De lycée. De musée. Des plaques à poser sur les murs. Votre vie est un langage. Et votre œuvre, un discours. Mais vous n'aimez plus la durée. Vous vous installez dans le provisoire. Votre monde se couvre de lieux de transit, de refuge, d'habitats de fortune, des tentes, des matelas, des duvets. Quand ce n'est pas la rue, simplement, qui vous sert de maison, de dortoir, des arcades, des niches dans les murs, des cours intérieurs, des escaliers, des cimetières. Non. Remplacez ce qui a disparu. Nous ne sommes plus des figures, mais des traces. Nous qui étions la présence absolue, sommes devenus des figures de l'absent. Comme si représenter vous semblait insurmontable. Désormais. Comme si vous ne pouviez plus rassembler les débris du monde. Écoutez, dit le bronze. La voix que vous n'entendez pas cherche à vous prévenir, à attirer votre attention. En ce monde, il reste des choses à dire. Il reste encore des choses à savoir. Cette rotonde est devenue la source de lumière qui nourrit l'œuvre gigantesque, les nymphéas. Quatre moments, quatre saisons, dont la lumière même, la fusion des couleurs et l'objet, qui ne vise rien d'autre que l'insaisissable, l'irisation de l'eau. Peut-on faire quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui ? Je cherche le blanc, le signe de notre siècle, le 21e, plein d'une histoire non écrite. Nous regardons, impénétrables l'un à l'autre. À quoi sert d'être ensemble ? Je devrais appeler celui qui m'attend en vain, lui dire que je ne peux pas vivre avec quelqu'un. Au moins, je lui aurais rendu une fois service. Nous sommes en répit. En sursis. Mais nous avons vécu trop de bouleversements pour ne pas penser la paix éphémère. Ou plutôt que tout est éphémère. La guerre comme la paix. Ces tableaux peints pendant la Première Guerre mondiale, au lieu des cadavres, des tranchées et des armes, au lieu d'un monde gris et brun, d'un monde rouge de sang, offrent un bleu aux nuances vertes qui ne parle que d'élévation. Le blanc et la disparition. Tout fondre comme monnaie, mais le faire pour évoquer l'effroi, la peur de ce qui nous attend. Si je regarde trop longtemps, je vais me noyer dans le tableau. Ces murs arrondis m'encerclent, se referment sur moi. Je ne vois plus les portes qui me permettraient de partir. Je suis dans la salle bleue. Vous préférez être seul, peut-être ? Je cherchais quelque chose dont je commence à avoir une idée, encerclée par cette œuvre. J'avais peur, justement, de me laisser envahir. Il ne faut pas vous défendre. Il n'y a aucun danger. Je glisse dans cet univers bleu, ces grottes que les ombres dessinent. Rien ne permet de se raccrocher. Même le tronc du saule paraît fluide et lisse, et le feuillage presque une pluie. La matière n'existe plus. Un étang liquide sans fin dans lequel on flotte sans effort. Il regarde le feuillage qui tombe et je reste dans les îles de lumière. Je navigue. Je me perds sans danger, déposant le poids de mes années de résistance. Le long de la Seine, des gens vivent dehors, à la merci des hommes et des intempéries. Et ils ne verront jamais les nymphéas. Et pourtant, les nymphéas sont faites aussi pour eux. Quel genre de choses peignez-vous ? Je peignais des corps, mais je ne sais plus. J'ai retiré mes tableaux de la galerie. Pourquoi ? J'étais dégoûté par ce que je faisais. Il y a des choses qu'on continue par habitude, par confort, alors qu'il faudrait une étincelle. Vous voyez, je connais quelqu'un qui parle de peinture, mais pas comme vous. Que fait-il ? Il enseigne les arts plastiques. C'est votre ami ? En quelque sorte. Comme vos tableaux, c'est en suspens. Une rupture ? Rien n'a vraiment commencé. Il m'attend, ou plutôt il attend une réponse. À quelle question ? Il voudrait que je m'engage. Il ne veut pas savoir qu'on ne peut rien promettre. Vous l'aimez ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il vous aime ? En tout cas, il le dit. Vous voyez, ce n'est pas une question d'engagement. Vous ne pouvez pas répondre parce qu'il ne vous pose pas la bonne question. Qui serait ? Savoir si vous l'aimez. Vous vivez seul ? Pas vraiment. Et vous peignez depuis longtemps ? 20 ans. C'est beaucoup. Une vie de peintre peut durer 40, 50 ans. Regardez Monet. Les variations des nymphéas lui ont pris 20 ans. Et avant, il avait peint des choses qui existent tout autant. Les grandes œuvres se préparent. Naissent des tentatives, des insatisfactions engendrées par les œuvres précédentes. Et dans les relations, peut-être faut-il des relations mineures avant de trouver la relation majeure. Et vous l'avez trouvée ? Il m'est plus facile de vous répondre sur la grande œuvre que je n'ai pas encore faite. Pour le reste... Il se tait, me regarde. Cela fait longtemps qu'on ne m'a pas regardé de cette façon. Un homme, pour la première fois j'ai envie de prononcer ce mot, de m'emplir de ses sonorités. Mais il est avec quelqu'un. Quelqu'un m'attend. Nous sommes pris. Nous sommes libres. Que voulez-vous dire ? À chaque instant, nous pouvons décider de ce que nous voulons. Peindre de telle ou telle façon. Aimer quelqu'un ou non. Vous croyez que c'est une décision ? Si je vous prends la main, vous êtes libre de la retirer ou de la laisser. Elle ne la retire pas. Je n'ose lever les yeux. Je regarde sa main droite, l'index légèrement ondulé, le majeur droit et fin. Il ne faut pas. Il ne faut pas, murmure-t-elle en laissant sa main dans la mienne. Pourquoi ? Me dit-il tout bas. Et je garde sa main dans la mienne. Je voudrais le retenir, me serrer contre lui et découvrir son corps, le mien que je connais si peu. Le silence est un lac où nous glissons délicieusement. La rive s'éloigne, comme le bord du tableau, les nymphéas. Ce bleu profond, plein de secrets. Le temps a éclaté, retombe dans le jardin en particules invisibles. Je l'ai laissé m'embrasser. J'ai voulu désirer son étreinte, ses lèvres sur les miennes. Il me propose maintenant d'aller voir ses tableaux. Mais l'homme de bronze ne dit rien de son histoire. Et pour la connaître, il faut chercher dans les livres, les archives, sur les sites internet, et reconstituer son parcours, les raisons de sa présence. Une commande de la radio de Brême, la dernière des radios d'après-guerre en Allemagne de l'Ouest, puisque la radio, comme toutes les institutions, fut dispersée, décentralisée et répartie dans les Länder. C'était en 1967, le dernier émetteur créé, le territoire couvert le plus petit. La nuit tombe et nous allons redevenir pour quelques heures les seules habitantes de l'île au musée. Ou presque, car parfois des promeneurs viennent se parler sous les arbres. Ou contempler l'architecture de ces bâtiments imposants. Le faux temple romain du musée antique. L'acropole surélevée de la galerie d'art ancien. Le rectangle ouvert du Pergamone. La façade invisible du Neues Museum. Et tout au bout, la rotonde néo-baroque du Bode Museum. Un musée entièrement voué à nous, au statut. Je sens le téléphone dans la poche de ma veste, une forme familière, rassurante. J'aime sa musique, quelques notes qui me disent que je ne suis pas seul, que je suis relié au monde. Voilà. Entrez le code. L'écran apparaît. Quelques informations. La date. Le réseau. L'heure. Je cherche la petite enveloppe signe d'un message. Il n'y en a pas. Je caresse le clavier à défaut de caresser sa main. Je la vois comme si elle était devant moi. À l'entrée de ce musée qui va fermer, tandis que les gens sortent en se parlant, que ceux qui attendaient assis se relèvent dans la fraîcheur du soir. Le monde entier a rendez-vous. Je suis seul à attendre la sonnerie improbable de mon portable. Nous sommes revenus au commencement. Les lignes droites n'ont pas d'histoire. Vous devez le savoir. Vous qui voulez reconstruire à l'identique. Croire à la permanence des choses. Vous qui édifiez des barrages contre le temps. Vous le retenez dans des lacs. Des étangs. Vous bâtissez des îles artificielles pour l'assigner à résidence. Mais il s'échappe. Le sculpteur Gerhard Marx, dont le travail avait été qualifié d'art dégénéré sous le nazisme, était devenu une sorte de spécialiste ouest-allemand des œuvres dénonçant le totalitarisme. Cette fois, il tentait de donner forme à la voix de la radio en prenant pour modèle Stentor, le personnage de l'Iliade à la voix des reins, qui criait aussi fort que 50 hommes, et dont Héra prit l'apparence, au cours du siège de Troie, pour encourager l'armée grecque et l'emmener vers la victoire. Il me montre ces entassements de corps mutilés qui lui ont valu la célébrité. On aurait dit que nous n'étions faits que pour être déchirés, déchiquetés. Comment supportiez-vous de peindre ces choses ? C'est comme si j'avais peint les yeux fermés. Je déversais ma rage, une sorte d'obsession. Je faisais des séries, des corps jaunes, des corps roses, des corps bruns. Je gagnais de l'argent. L'argent est un confort, vous savez. Je vous parle comme si c'était vieux, mais il n'y a pas si longtemps que j'ai arrêté. Vous avez bien fait. Et maintenant ? Il s'affaire à ses tableaux, les déplace, les retourne, et je le regarde. Je ne me lasse pas de le regarder. Voilà. C'est à peine ébauché. Le fond de la toile est blanc. Parfois un reflet bleuté ou rose, mais je ne sais pas si les reflets sont ceux de la toile ou de la lumière. À mieux regarder, des formes se détachent, des contours hérissés. On dirait des icebergs. Mais ce sont des icebergs. Je veux peindre des paysages blancs et je n'y arrive pas. Il manque quelque chose au centre. Et là, à plusieurs endroits. Je préfère ce tableau encore inachevé à ceux déjà faits. Il vient vers moi, me serre dans ses bras, m'entraîne vers sa chambre, dont je ne vois rien, que la forme des meubles et la lumière filtrée à travers les stores. Un grand lit. Ses mains, son corps me donnent l'impression d'exister, de prendre forme. Tout à coup, des paroles de chansons me reviennent, moi aussi j'ai accès à ce qu'on appelle l'amour. J'ai attendu longtemps, mais il n'est pas trop tard. Nous sommes aux avant-postes, regardant vers le ciel, regardant sur la terre. Nous voyons l'histoire se mettre en mouvement. Nous voyons le changement de climat, la glace des pôles qui commence à fondre, la banquise qui éclate. Nous voyons les mers et les lacs asséchés, les déserts s'étendre. Nous vous entendons dire « ça passera ». Vous êtes là? Quelle heure est-il? Il est tard. Je peux appeler un taxi si vous voulez. Un taxi? Pour rentrer chez vous. Il est près de minuit. Je peux rentrer seule. Je n'ai pas besoin de taxi. J'étais incapable de mettre les formes. Un peu d'élégance. Elle attendait autre chose, une suite. Mais qui puis-je? Elle m'a donné l'élan. J'avais hâte de me remettre à peindre, de reprendre le cours, pour savoir si ce que j'avais entrevu tenait. En mai 1989, à l'occasion du centenaire de la naissance de l'artiste, le roofer fut installé sur un socle au milieu de l'avenue qui à l'époque s'achevait en impasse. Bloqué par le mur gris, impressionnant, devenu presque symbole de la ville, derrière lequel on apercevait le haut de la porte de Brandebourg et le quadrige tourné vers l'est, vers l'avenir radieux. Alors que le soir tombe, au bout de l'île, le musée est comme un navire éclairé qui avance dans la mer. Après notre dîner, j'avais besoin de marcher et je suis revenu sur l'île. La nuit était belle, la lune presque pleine et le téléphone a sonné. C'était elle pour me dire non. Ainsi, elle vous a répondu. Ce n'est pas ce que j'espérais. Mais vous avez fini d'attendre. C'est mieux. Peut-être. Et vous, vous allez le quitter ? Peut-être, si rien ne change. Qu'est-ce qui pourrait changer ? Qu'est-ce qui pourrait changer ? Malgré tout ce que j'ai pu dire et penser, simplement qu'il se remette à peindre. Ça viendra. Vous appelez cela un buste. Il date de la Renaissance italienne. C'est le visage en marbre d'un aristocrate de l'époque qui avait demandé qu'on le représente. Qu'on fasse son portrait ? En préférant la sculpture à la peinture. Un visage de marbre, mais d'une telle finesse. D'une transparence. L'impression de peau est frappante. Les rides d'expression. Les rides sur le front. La bouche est entrouverte, bien dessinée. La base du nez est forte. Le regard un peu levé, expressif. On dirait qu'il est sur le point de parler. Ou de donner un ordre. Car le port est un peu hautain. À l'époque, la ressemblance était un défi. Il fallait allier la précision des traits et l'harmonie de l'art. L'idéalisation. Ne soyez pas trop triste, m'a-t-elle dit en posant la main sur mon bras, au café où nous sommes pour nous dire au revoir. Et ce contact m'a fait du bien. Ne soyez pas trop triste. Cette attente vous bloquait. Cette attente vous bloquait. Maintenant, vous allez revivre. Maintenant, vous allez revivre. Le marbre était parfait. La ressemblance étonnante. Sur le point de parler, disiez-vous. Maintenant, il reste un œil. À peine une oreille. Un peu du front et la moitié du crâne. La forme du visage. L'autre œil n'est plus qu'une orbite. La bouche, une cavité. Il n'y a plus de nez. Le cou est décharné. Le col arraché. Dans le bunker du parc où nous avions échappé à votre guerre... Depuis quelque temps, nous n'entendions plus résonner les armes. Mais une nuit... Nous avons perçu des craquements. Une lumière vive. À l'incendie. En un instant, nous étions détruits. Carbonisés. Désintégrés. Perdus à jamais. Comme vous. Qu'aucune copie ne permet de recréer quand vous disparaissez. Nous avons compris le sens de ces mots. Jamais plus. Et la raison de vos poèmes. De votre art. La raison de notre présence. Ne soyez pas trop triste. Il faut un peu de temps pour s'habituer. Et ces dernières semaines, l'attente se confondait avec ma vie. Et voilà ce fier portrait de marbre défiguré, rendu méconnaissable. Comme les victimes de vos bombardements atomiques ou en napalm. Nous avons appris qu'une peau de marbre aussi pouvait s'en aller. Il faut que je parte, dit-elle, prononçant les mots que je redoutais. Le revoir. Il faut que je parte, ai-je dit, mais je reste. 2 jours, ce n'est rien et pourtant, quelque chose me relie à cet homme. Peut-être allons-nous nous croiser dans une rue de Paris ? Peut-être. Mais notre rencontre, les lignes de nos vies qui s'éloignent, se rapprochent, tout cela n'avait de sens qu'ici, nous le savons. C'était une parenthèse. Peut-être. Je vous dis au revoir. Au revoir. Je pose ma main sur la sienne et ce geste m'émeut, l'émeut aussi, je le sens. Aurions-nous pu ? Aurait-il fallu ? C'est un instant, rien de plus. C'est fini, il n'y a rien eu. Sur le socle, on inscrivit le vers de Pétrarque, qui conclut le long poème « Italia mia », écrit à la gloire de la patrie pour déplorer les guerres incessantes que se livrent les princes. « Ivo gridando, pace, pace, pace, je vais criant paix, paix, paix. » 6 mois après l'installation de l'homme éternellement immobile, à la bouche éternellement ouverte, le mur de Berlin tombait. Demain, quand il sera rentré de Berlin, je lui dirai... Nous avons survécu à tout, La traversée des siècles. Les expériences artistiques. Et d'une certaine façon, aucune remise en cause ne nous a atteintes. Forme déshumanisée. Géométrique. Immense courbe renversée. Grandes règles qui se croisent. Obélisques qui se dressent ou dalles qui tracent un chemin. Nœuds de métal entrelacés. Échelles qui tentent d'atteindre le ciel. Nous devenons le lieu. Le point de passage entre la terre et le ciel. Prenons notre envol. Notre essor. Enfin libérés de ces visages et de ces corps qui nous réduisaient à une piètre ressemblance. Croit-elle encore en moi? Elle rentrera chez elle sans m'appeler. Qui sait ce qu'elle a pensé pendant ce week-end? Ce qu'elle a vu? Il faut que je lui dise pourtant ma découverte. Téléphoner. C'est toi? C'est moi, dit-elle. Sa voix me semble douce. Je lui demande où elle est. À l'aéroport. J'attends l'avion pour Paris. Berlin, c'était bien? Elle ne répond pas. J'entends son silence, sans savoir l'interpréter. Un peu particulier. Et toi? Je suis content de t'entendre. Moi aussi. J'ai trouvé quelque chose. Je te raconterai si... si tu en as envie. J'en ai envie. Si tu me donnes l'heure de ton avion, je t'attendrai à l'aéroport. C'est vrai? Tu as bien fait de partir. Tu m'as manqué. Tu es dehors? J'entends le vent. Je suis au jardin des Tuileries, sur un banc, devant une pièce d'eau, avec des fleurs de toutes les couleurs. Autour de moi, on parle toutes les langues. On appelle pour l'embarquement. Dans 2 heures, je serai à Paris. Le temps d'aller jusqu'à l'aéroport, elle aura couvert la distance de Berlin à Paris. Et dans 2 heures, je pourrai la voir, l'embrasser, lui raconter. Dans notre vie aussi, le blanc s'étendra. Tout effacer, recommencer. Nous sommes des pierres fracassées. Des blocs de marbre brisés. La figure des temps passés et à venir. Nous sommes des fragments. Les pièces d'un immense jeu de construction dispersées à travers le monde. Dont la reconstitution occuperait des siècles. C'est toi? C'est moi. Où es-tu? Je suis dans un jardin. Moi aussi. J'attends le moment de reprendre l'avion, de rentrer à Paris. Dans quel genre de jardin es-tu? Le jardin d'un château qui n'existe plus. Sur une île qu'on appelle l'île au musée. Je vais bientôt retourner à l'hôtel et prendre mes bagages. Et toi, dans quel jardin? Aux Tuileries. Le parc d'un château disparu aussi. Je pensais ne plus jamais t'entendre. Cette nuit, je me sentais traquée, agressée. J'ai réfléchi. J'aimerais qu'on se revoie. C'est vrai. C'est vrai. À quelle heure rentres-tu? Tard. Si je venais t'attendre? Je ne sais pas exactement l'heure d'arrivée. Je n'ai pas le billet sur moi, mais je te rappellerai de l'hôtel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le jardin ferme tôt à cette époque de l'année. Nous aimons ce moment où les lampes s'allument. Où le mystère du soir descend sur les allées latérales. Tandis que sur l'allée centrale, les promeneurs et les touristes se hâtent vers les grilles. Sous le ciel éclairé d'une dernière lueur. Vers l'ouest. Vers la mer. La mer. Le seul paysage qui ne nous est pas offert. Nous peuplons les villes et les campagnes depuis longtemps. Nous sommes sur les sommets pour marquer vos conquêtes. Nous sommes sur les côtes pour orner la liste de vos morts. Commémorer des opérations militaires. Des débarquements. Le départ des grands navigateurs. Tourner vers l'intérieur des terres. Comme si vous redoutiez qu'en regardant la mer, nous soyons aspirés. Comme si vous aviez peur que nous quittions nos socles pour entrer dans les eaux. Pourtant, quand les mers ne verront plus aucun bateau, nous resterons les derniers témoins de vos aspirations. Le flux des promeneurs remonte vers la grille comme s'il suivait le cours d'un fleuve. Des silhouettes, de loin. Maintenant, tout le monde est parti. La grille se referme. Nous sommes là. Nous restons. C'était L'île au musée. Écrit et adapté par Cécile Weisbrot. Avec Elle Berlin, Anne-Lise Heimburger. Elle Paris, Nathalie Boutefeu. Lui Berlin, Laurent Natrella. Lui Paris, Mohamed Rouabi. Der Rufer, Hugues Kester. Le cœur des statues, Violaine Schwartz, Andrea Schiffer, Caroline Breton, Corrado Invernizzi, Vladislav Gallard. Et les voix de Michel Freuli, Sophie Doll, Dorly Lamar, Dominique Parent, Leslie Menahem, Hubertus Biermann, Aurélie Julia, Raphaël Rueb, Vladimir Hant, Dimitri Koundourakis, Odile Loria, Ismaan Yakini. Bruitage, Sophie Bissantz. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Clémence Cros. Réalisation, Laurence Courtois. L'île au musée de Cécile Weisbrot est publiée aux éditions Bourgois. Идет задумчивый персонаж.